hache à la gueule, les faux punks à casquette, les junkies, les rats, fils de bourgeois honnêtes, les flics et les malfrats, je vous crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, les gourous, les macros, les Gérards du samedi, les curés, les machos, les violeurs de nos nuits, je vous crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, les fonctionnarisés, les CRS idiots, les cons de l'Elysée. Toi le gâteau facho, je te crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, vous les lepénisez, les salauds, les racistes, les militaires zélés. Toi le petit fasciste, je te crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, ministre déjà mort, et vieille Bétancourt, le président des ports, et toute la basse-cour, je vous crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, prédateur et machiste, chasseur endimanché, adorateur du Christ, pédophile en soutane, je te crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, vous les toréadors, votre habit de lumière, il pue la mise à mort. Votre monde est pervers, je vous crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, saloperie du FN, identitaire fasciste, les salauds, les racistes, tous les négationnistes, je vous crache à la gueule. Je vous crache à la gueule, vous les politiciens, ordures de la finance, ministres et assassins, fabricants de souffrance, je vous crache à la gueule.